Et nous sommes à Lille cette semaine dans le cadre du festival Cité Philo qui accueille chaque année les meilleurs philosophes pour discuter autour d'un thème. Cette année, le thème, c'est la parole. Et après le pouvoir de la parole, lundi, l'impuissance de la parole, hier mardi, aujourd'hui, la parole peut-elle guérir ? Cette émission est enregistrée en public dans le grand auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille, en compagnie de la philosophe, psychologue et psychanalyste Colette Solaire. Pour donner le ton, on commence avec Lacan. Parce que tout est différent. Il y a un pire. C'est impossible matériellement. Sans les mots, c'est même. Car c'est impossible que la vérité puisse J'entends du soir au matin les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Tu fais bla bla bla, c'est ton défaut. Tu parles trop, mais quand il s'agit d'amour, j'en ai plus beau. Tu peux parler nuit et jour. Oui, oui, ah, c'est jamais trop, non, jamais trop. Bonjour Colette Solaire. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie, bienvenue à Lille où nous accueille le public lillois ici présent. Bonjour à vous. Vous êtes déjà applaudi. Vous avez juste dit bonjour, vous êtes déjà applaudi. La barre est très très haute. Hein. On a entendu Jacques Lacan qui nous a appris que dire la vérité c'était dire l'impossibilité de la dire, c'est ça ? C'est qu'on ne peut pas la dire toute. Voilà une impuissance de la vérité. Elle ne peut pas se dire toute. Puisque vous la dites avec des mots, nécessairement. Un mot, un autre mot, c'est une série infinie. Il en manquera toujours. Donc vous n'en direz jamais qu'une partie. Elle est toujours mi-dite, pas toute. Et comprendre que la vérité ne pourra jamais être énoncée dans son intégralité, est-ce un pas effectué sur la voie de la guérison ? C'est une question très importante parce qu'en effet, dans une psychanalyse, le sujet qui est là pour se dire, pour approcher ce que soi est, ce qu'il est, il commence à parler, mais il va tomber à la fois sous le coup des pouvoirs de la vérité. Il va produire des mots qui pourront le surprendre lui-même, l'éclairer. Lui donner quelques révélations et il dira « Ah, j'ai réalisé que… » Bon, ça c'est le pouvoir de la vérité. Mais au fil de l'avancée, il va effectivement buter sur le fait que une part de vérité dite n'est jamais qu'une part. Et donc il va tomber sur ce qu'il faut bien appeler l'impuissance de la vérité à se dire toute. Donc c'est une expérience qui se fait dans la cure analytique elle-même. Et comme dans la cure analytique, on attend des réponses. On attend deux choses dans une cure analytique. En général, celui qui y entre, et tout le monde n'y entre pas, mais celui qui y entre et qui donc entre dans le procédé freudien d'association libre pour le patient et d'interprétation côté analysant, celui qui entre dans ce procédé, il entre parce qu'il a quelques difficultés avec sa vie. Appelons ça symptôme, c'est très vague, difficulté avec la vie, et donc il veut changer quelque chose. Il veut changer quelque chose, il a un espoir d'amélioration de son symptôme, disons. Mais en même temps, la psychanalyse, Freud l'a appelée psychanalyse. Il ne l'a pas appelée psychothérapie. Quelle différence ? La psychanalyse n'est pas une psychothérapie. La psychanalyse obtient des effets, entre guillemets, qu'on appelle de guérison, disons de mieux-être, elle l'obtient, mais en prenant un gros détour, car n'oublions pas que la découverte de la psychanalyse, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Et c'est tout autre chose, effectivement, que tout ce que vous pouvez s'avancer vers la découverte de son inconscient par la parole, avec l'aide de l'interprétation, c'est autre chose que de déplier, par exemple, un témoignage. Dans un témoignage, c'est très à la mode, hein, aujourd'hui, les témoignages, on en entend de tout genre. Dans un témoignage, vous dites ce que vous savez. Et vous cherchez à faire valoir ce que vous savez. Dans l'association de l'analysant dans la cure, l'analysant, au fond, il cherche le dispositif, le pousse à s'approcher de ce qu'il ne savait pas qu'il était en train de dire. Parce que le langage, on parle avec le langage, la parole est structurée avec le langage, et le langage a cette propriété que, quelle que soit la phrase que l'on dit, ou presque toutes les phrases que l'on peut dire, sont équivoques. Et donc, il y a ce que l'analysant pense dire avec sa phrase, mais il y a toujours une autre portée de sens dans une phrase. Lacan a donné beaucoup d'exemples de ces équivoques, et en particulier une qui est très frappante, que les lecteurs de Lacan connaissent tous. Vous avez entendu parler du nom du père, N-O-M, du père, et on entend les noms dupes, R, dans la phrase. Donc l'écriture, l'orthographe, différencie dans ce qui a été entendu deux sens possibles. Et ça fonctionne un peu comme ça avec la parole analysante. Et c'est ainsi que l'analysant peut s'avancer vers des aspects de ce qu'il disait lui-même qu'il n'avait pas en tête au départ. D'autant que Lacan nous l'apprend, l'inconscient lui-même est structuré comme un langage. Avant qu'on entende la voix de Lacan, et avant même qu'on entende un texte de Freud qui va s'adresser directement à ceux qui voudraient commencer une analyse en leur donnant quelques conseils quasiment, une fois n'est pas coutume. Une question, Colette Solaire, parce qu'on a commencé avec Lacan qui dit qu'il dit toujours la vérité, et on a bien précisé que celle-ci n'était pas dissible entièrement. Qu'est-ce que c'est la vérité en psychanalyse? Est-ce que le terme est approprié? La vérité, c'est une dimension de l'expérience qui est inhérente à la parole. S'il n'y avait pas la parole, nous serions face à la réalité que nous percevons. Mais dès que l'on parle, on vise à dire quelque chose de vrai, c'est-à-dire de recevable. Adéquat au réel, par exemple? Non, justement, l'exactitude n'est pas la vérité. L'exactitude, vous savez, c'est la correspondance entre un fait d'observation, de perception et une proposition grammaticale. Non, la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que quand on parle, la dimension, là, quand on parle d'une dimension, déité-mention, la dimension de la vérité s'instaure, c'est-à-dire qu'au fond, on convoque, sans le savoir, sans le penser, mais implicitement, on convoque un témoin de la bonne foi, ce qui est une autre, toute autre dimension que la réalité, la bonne foi. Hein. Et donc, la vérité, effectivement, c'est qu'on pourrait parler, faire une année de séminaire sur la vérité en psychanalyse, bien entendu, mais pour le prendre au plus simple, c'est une dimension liée à la parole. Ça, c'est certain. On va avancer ensemble, justement. Oui. On a encore toute l'émission pour essayer d'élucider ce point. Voici donc un texte de Freud dans lequel il énonce les principes de l'association libre et s'adresse directement à une personne qui souhaiterait prendre la parole en analyse. Que signifie prendre la parole sur un divan, par exemple? Voici la réponse de Sigmund Freud. Votre récit doit, sur un point, se différencier d'une conversation habituelle. Alors que, d'ordinaire, vous essayez à bon droit de maintenir dans votre présentation le fil de la cohérence, et que vous écartez toutes les idées incidentes et pensées adventices perturbantes, pour ne pas, comme on dit, discourir à perte de vue, vous devez ici procéder autrement. Vous observerez que, pendant votre récit, vous viendront diverses pensées que vous aimeriez repousser en recourant à certaines objections critiques. Vous serez tenté de vous dire « telle ou telle chose ne relève pas ici du sujet » ou bien « elle est dénuée de toute importance » ou bien « elle est dénuée de sens » et on n'a donc pas besoin de la dire. Ne cédez jamais à cette critique. Et dites la chose, malgré tout. Cela précisément parce que vous éprouvez une aversion à le faire. La raison de cette prescription, à vrai dire la seule que vous devez suivre, c'est plus tard que vous l'apprendrez et saurez la comprendre. Dites donc tout ce qui vous passe par l'esprit. Conduisez-vous, par exemple, à la manière d'un voyageur assis côté fenêtre dans un wagon de chemin de fer qui décrit à quelqu'un d'installé à l'intérieur le paysage se modifiant sous ses yeux. Enfin, n'oubliez pas que vous avez promis une totale franchise. Et ne passez jamais sur quelque chose parce que, pour une raison ou une autre, la communication vous en serait désagréable. Ne cédez jamais à cette critique, nous dit Freud ici à travers la voix du comédien Éric Herson-Macarel. Certes, Colette Solaire, on a envie de dire, mais oui, il a raison. Idéalement, c'est ainsi qu'il faudrait être. Mais ce texte s'adresse à quelqu'un qui, en fait, aurait déjà fini son analyse. Car pour être en mesure de parler sans se juger soi-même, sans céder sur cette totale franchise que cette personne aurait se serait promis à elle-même, ça demande déjà un travail énorme. Oui, c'est une règle, on peut dire, fondamentale pour distinguer effectivement la parole dans la psychanalyse et la parole dans la vie. Et au fond, on a bien tous, même si on ne connaît pas la psychanalyse, on a tous une intuition de cette différence. On ne parle pas à son patron, à son professeur, à son amoureux, amoureuse, comme on parle en psychanalyse. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors donc, c'est une règle essentielle, en même temps très difficile à suivre, voire impossible à suivre, ne serait-ce que parce qu'on pense plus vite que ce que l'on dit, éventuellement. Hein. Et donc, la règle est impossible à suivre. Et d'ailleurs, si elle était possible à suivre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'analyse serait, elle, impossible. Si on pouvait véritablement dire absolument tout ce qui nous passe par la tête, n'importe quoi, on ne pourrait pas analyser le sujet, on serait dans des jeux d'enfants, comme on disait, terre de feu, feu follet, voilà. Vous connaissez ce jeu. Non, c'est que avec cette règle d'association libre, le sujet qui essaye honnêtement et avec franchise de dire ses pensées, on s'aperçoit néanmoins que ses pensées, ce n'est pas n'importe quoi. On ne peut pas dire n'importe quoi. C'est une phrase de Lacan. Et il ajoute, il faut le dire. Qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Et Freud l'avait déjà aperçu en disant, on demande de ne pas diriger la pensée, les associations, parce que on a constaté, on constate qu'il y a autre chose qui les dirige, et qui est justement l'inconscient. Donc, l'association libre, vous me dites, quelqu'un d'analysé pourrait vraiment la pratiquer, ouais. Certainement plus facilement que quelqu'un de non-analysé. Parce que qu'est-ce qui empêche de dire vraiment les pensées qui vous passent par la tête ? Eh bien, ce sont tous les idéaux et toutes les normes qui fonctionnent entre le locuteur et l'interlocuteur. Par égard, on ne va pas dire à son analyste quelques mauvaises pensées que l'on a à son sujet. C'est difficile. Sauf dans certains cas, ça finit par sortir. Mais, et puis, il y a aussi, si on l'aime trop, il y a aussi une pudeur. Et puis, si les pensées sont un petit peu trop chaudes sexuellement, il y a aussi de la pudeur. Donc, ce sont toutes les normes sociales du discours qui empêchent. Et l'analyser, justement, il est censé quand même avoir réussi une séparation intime, intérieure, avec au fond les oukases de ce que Lacan a appelé l'autre du discours. du discours commun, du discours qui vous enveloppe depuis votre enfance et avant votre naissance et depuis votre naissance. Et c'est exactement ce qui n'est pas nommé dans le texte de Freud qu'on a entendu, c'est justement la présence de l'analyste. On ne parle pas seul, il y a quelqu'un qui nous écoute. Comment composer avec ce qui est bien souvent un pouvoir de l'analyste? Écoutez. Allô? Oui. Bonjour docteur, c'est Ismaël Vuillard. Je suis désolé de vous déranger, mais je vous appelle parce que j'ai un petit problème pour la séance de mardi, c'est-à-dire de cet après-midi. Voilà, je crains de ne pouvoir me rendre à la séance. Pourquoi? Ben, je suis hospitalisé. Vous avez eu un accident? Non, rassurez-vous, je ne suis qu'à l'hôpital psychiatrique. Ah bon? Très bien, je vous attends donc à 16h. C'est-à-dire que les psychiatres proposaient que vous passiez à l'hôpital pour la séance, si vous le vouliez. Ça me paraît une très, très mauvaise idée. Oui, c'est idiot, je m'en doutais un peu. Mais du coup, je vais avoir un peu de mal pour la séance cet après-midi. Je vous attends donc à 16h, comme d'habitude. Très bien, je m'arrangerai. Au revoir, docteur, merci. Un extrait de Roi Zéren, le film d'Arnaud Desplechin qui date de 2004, emblématique de la relation, là pour le coup de pouvoir, qu'un patient peut avoir avec son psychanalyste. Quel rôle joue vraiment l'analyste, le psychanalyste, dans la prise de parole du patient? Parce qu'il n'est pas secondaire. Vous dites, même ce que dit Freud, il faut arriver à ne pas se critiquer soi-même. Mais même si on y arrive, on sait très bien qu'on est écouté par quelqu'un qui est souvent derrière nous, parfois en face de nous, et sur lequel on va transférer notre surmoi, notre instance de jugement. Oui, mais heureusement qu'on le sait, parce que la parole, toutes les genres de parole, dans l'analyse et hors analyse, ce que l'on appelle parole, c'est pas seulement de former des énoncés. La parole a une structure d'interlocution. On parle à quelqu'un. Et on parle pour. Et ce quelqu'un a le pouvoir de la réponse. Et Lacan dit... Pas de parole qui n'ait sa réponse, même si elle ne rencontre que le silence. Alors prenons votre exemple. Obstination, direz-vous, de l'analyste? Oui, on peut le prendre comme ça, mais ça a aussi une portée interprétative. C'est aussi une façon de signifier au patient que, quoi qu'il arrive, comme empêchement, l'analyse ne s'interrompt pas et que l'analyste est toujours là, qu'il attend. Et bien sûr, s'il est à l'hôpital psychiatrique, il ne va pas venir. Donc l'important, c'est pour le psychanalyste de signifier qu'il l'attend. Qu'il l'attend, que l'analyse ne s'interrompt pas. Il peut y avoir des moments où le patient n'est pas là, mais l'analyse n'est pas interrompue. Et d'ailleurs, le travail, ce qu'on appelle le travail de l'analysant, ça ne se fait pas dans les heures et les moments de la séance seulement. Le sujet qui est en analyse, il n'arrête pas, comme disent les analysants, « je vous ai parlé toute la semaine ». Et l'intérêt, en plus, c'est qu'il vous a parlé toute la semaine et il constate que quand il arrive sur son divan, eh ben, ce qu'il a pensé toute la semaine, soit il vous le dit pas, soit il vous dit autre chose qui le surprend. J'entends des acquiescements dans la salle. Vous faites référence à un vécu par beaucoup de personnes. Reste que l'analyste qui est présent lors des séances a un rôle à jouer. Oui. Et dans quelle mesure ce rôle-là est-il nécessaire pour guider le patient, si tant est qu'il soit un guide, sur la voie de la guérison? Et j'en reviens à cette question-là parce qu'en fait, on n'y a pas vraiment répondu. Est-ce que le but, c'est de guérir et quel est le rôle de l'analyste dans cette guérison, Colette Solaire? Alors, l'analyste, il a une seule chose à faire fondamentalement, c'est interprétation. Alors, évidemment, la question de qu'est-ce que l'interprétation analytique est une vaste question qu'on ne va pas trancher en 3 minutes. Hein. Mais interprétation, et ce qui spécifie la parole en analyse, c'est que la réponse attendue et donnée est interprétation. Alors, interprétation, ça veut dire... que ça aide, c'est censé viser l'inconscient qui s'exprime dans la parole de l'analysant et le faire en, en quelque sorte apparaître, lui faire apparaître ce qu'il ne savait pas qu'il était en train de dire. Bon. Alors, en ce sens, le but premier de la pratique n'est pas la guérison. Elle vient, comme disait Freud, de surcroît. C'est ça la grande surprise aussi. On parle pour arriver à attraper des bouts de l'inconscient qui vous constitue, c'est-à-dire l'inconscient s'est fait comme la parole, s'est fait avec du langage. C'est structuré comme un langage, c'est fait avec des mots, avec des signifiants. Les mots et les signifiants engagent aussi des images, mais foncièrement, c'est fait avec des mots et des signifiants. Donc le but premier, c'est ça. Et surprise, surprise, au début de la psychanalyse, surprise, à manier des signifiants, on obtient des résultats thérapeutiques. Et, si vous permettez que je précise, des résultats thérapeutiques qui ne sont pas seulement des effets de bien-être ou de mieux-être ou d'aller mieux pour le sujet. Le sujet, c'est celui qui parle, hein. C'est l'être en tant qu'il parle, mais des effets thérapeutiques sur son corps, sur ses symptômes de corps. Alors ça, c'est un point essentiel dans la psychanalyse. Avec des mots, on fait mouche sur la chair. Et évidemment, il s'agit dans la théorie analytique d'arriver à comprendre ce fait. Ce qui signifie que le corps serait aussi un mode d'expression de l'inconscient. C'est aussi un lieu d'inscription de l'inconscient. Sur lequel la parole aurait un pouvoir. Et donc, en parlant et en mobilisant, donc à l'aveugle en quelque sorte, dans l'association libre, en mobilisant les signifiants dans la parole, on touche à des signifiants qui ont eux-mêmes touché le corps. Alors, si tant est que Lacan ait raison et que l'inconscient soit structuré comme un langage et que la prise de parole est un pouvoir aussi de guérison, y compris sur le corps, pourquoi a-t-on besoin du cadre de l'analyse pour aller sur la voie de cette guérison? On va prendre un exemple qui était cher à Lacan, écoutez. Et maintenant, auditeur, up Eustache tube. Débouche ta trompe de stache. Voici la voix de James Joyce. Well, you know, or don't you, Kenneth, or haven't I told you, every telling has a tailing, and that's the he and the she of it. Look, look, the dusk is growing. My branches loftier taking root, and my cold chair's gone ashly. Feel-o, feel-o. What age is that? It soon is late. 'Tis endless now since I ere one last saw Waterhouse's clock. They took it asunder, I heard them sigh. When will they reassemble it? Oh, my back, my back, my back! I'd want to go to Aixley Pains. Ping-pang, there's the bell for sexolitis. At Concepta they send the spray. Pang. Ring out the clothes, ring in the dew. God of Ari, vert the showers and grant thy grace. Aman. Will we spread them here now? Aye, we will. Flip. Spread on your bank, and I'll spread mine on mine. Clap. It's what I'm doing, spread. It's churn and shill, their went is rising. I'll lay a few stones on the hostel sheets, a man and his bride embrace between them, else I'd have folded and sprinkled them only. And I'll tie my butcher's apron here. It's sooty yet, the strollers will pass it by. Voici encore une fois, tels des bébés étonnerrés devant un monde refrain. Ou comme la poule du livre de contes, nous regrattons du débrut. Cote, cote, cote, cote, codec. Clouc, clouc, clouc. Cote, cote. Clouc, clouc, clouc. Cote, cote, cote, cote, codec. Les chemins de la philosophie. France Culture, Adèle Van Rett. Quelle différence entre la prise de parole dans le cadre d'une analyse, la prise de parole dans le cadre d'une émission, comme c'est le cas aujourd'hui, Colette Solaire. Oui. Alors, je le rappelle, nous sommes à Lille, dans une émission en public enregistrée dans le cadre du festival Cité Philo, et la prise de parole d'un écrivain qui, lorsqu'il écrit, prend la parole. Et là, on a entendu la voix originale de James Joyce. Hein, c'était un enregistrement de 1957 qui lisait un de ses textes. Est-ce que la création artistique surtout lorsque celle-ci se fait dans et par l'intermédiaire du langage, ne pourrait avoir, dans certains cas, le rôle d'une analyse, Colette Soler. Après tout, c'est la libération de la parole, l'expression d'une parole, trouver les mots pour dire ce qui est. Quelle différence ? Trouver les mots, ça définit pas la parole. La parole, c'est trouver les mots dans une interlocution. Et donc, entre la parole en analyse et la parole hors analyse, la chose commune, c'est l'interlocution. Par exemple, nous sommes, vous me parlez, je vous parle. Et la différence, c'est que vous n'allez pas m'interpréter, je ne vais pas vous interpréter. Qui sait ? Et si vous essayez, justement, si vous essayez, ce sera vain. Si j'essaye, ce sera vain aussi. Parce que pour qu'une interprétation fonctionne, il faut qu'elle soit ajustée au matériel produit par l'autre et attendue et reçue. Il n'y a d'interprétation que efficace. Si vous tentez une interprétation et que ça ne marche pas, ben c'était tout simplement pas une interprétation. Et vous ne croyez pas, quand même, sur ce point, à une sorte de transfert sauvage où je pourrais tout d'un coup voir en vous une personne à qui j'aurais envie de parler, poser une question qui en fait exprime quelque chose d'inconscient et moi-même arriver à une forme d'interprétation de ce que je suis en train de dire ? Oui, oui, bien sûr. Une sorte d'analyse en public. Ce ne serait pas... Ou inversement, d'ailleurs. Ce ne serait pas impossible, mais ça n'aurait aucun effet analytique. Vous savez, on interprète tous les jours dans la vie. Il faut bien voir que l'interprétation, c'est un mot de la langue commune qui a une grande place dans la psychanalyse, mais dans la vie, on interprète tous les jours. Il y a d'abord les paranoïaques, qui sont des spécialistes de l'interprétation. Il y a l'herméneutique, qui pratique une forme d'interprétation. L'interprétation analytique est autre chose. C'est Freud qui a donné vraiment le modèle de l'interprétation analytique, et c'est du modèle freudien que Lacan a tiré l'expression « l'inconscient structuré comme un langage ». C'est que Freud, il écoute son patient, mais il ne lui envoie pas des interprétations comme ça fantaisistes. Il commence par déchiffrer, par établir des séries de signifiants qu'il a prélevés dans la parole du patient. Et déchiffrer, c'est pas encore interpréter. Et c'est qu'après un long déchiffrage qu'il arrive à donner une interprétation approchée d'une signification ou d'un sens. Donc c'est chez Freud, l'interprétation est disciplinée, soumise au déchiffrage. C'est ça qui manquerait, par exemple, au livre de Joyce. Il n'y aurait pas une interprétation. Totalement, ouais. totalement. Joyce, que Lacan parle souvent de Joyce dans ses séminaires. Non seulement il en parle, mais il a fait une année de séminaire sur Joyce. Il en fait très grand cas. Moi-même, j'ai écrit un livre qui s'appelle Lacan, lecteur de Joyce. Ouais. Bon, donc c'est très, très important, bien sûr, mais... Et pourquoi lui en particulier ? Pourquoi Joyce en particulier ? Ben, je crois que c'est un cas qui... Enfin, c'est la thèse de mon livre. C'est le cas de Joyce, tel que Lacan l'a pris, parce qu'il n'a pas fait Lacan une étude de l'œuvre au départ. C'est pas l'œuvre, c'est le cas. Le cas de la personne de Joyce, et que ce cas de la personne de Joyce est tombé pour lui à un moment dans ses élaborations théoriques, plutôt vers la fin de sa vie, où il mettait l'accent sur les dimensions de l'imaginaire, du réel, du symbolique, en tant que noué ensemble, comment c'était noué, comment ça fonctionnait, il a trouvé, je crois, l'exemple qui lui manquait. L'exemple qui manquait pour donner une illustration clinique de ce qu'il était en train d'élaborer. Et il forge un mot, le symptôme. Oui, c'est ça. À propos de Joyce, qui n'est pas le symptôme. Oui, symptôme. Symptôme, S-I-N. Voilà, c'est une vieille écriture et en général, les symptômes, on les met au pluriel. Il y a des symptômes, il y a les somatisations hystériques, les obsessions, les obsessionnelles, les phobies, les inhibitions, etc. Il y a les symptômes, mais le symptôme, il l'a mis au singulier. Et au fond, ça désigne, j'ai trouvé récemment un texte de Freud qui va bien dans cette direction. Freud dit, il y a pour chaque sujet une manière propre, je cite de mémoire, c'est pas littéral, une manière propre qui résulte à la fois de la constitution et des faits intervenus dans son enfance, une manière propre d'aborder ses objets d'amour, ses pulsions et les buts qu'il poursuit. Et il dit que c'est une sorte de cliché, il emploie ce terme, je ne connais pas le terme allemand, je n'ai pas vérifié, une sorte de cliché propre à chacun. Et donc ça désigne effectivement la façon dont chacun s'arrange avec ses amours, son désir, ses jouissances. Et chacun a sa façon propre. Et donc, au fond, saint homme, écrit au singulier, ça désigne cette unité propre à chacun d'arrangement entre l'amour, le désir et la jouissance, puisqu'au fond, c'est quand même les grands thèmes de la vie humaine. Puisque vous parlez de cliché et puisqu'on parlait de Joyce... C'était une expression de Freud. Voilà, hein. Vous avez cité le mot de cliché et on a parlé de Joyce. Une question qui revient souvent lorsqu'on s'interroge sur la spécificité de la prise de parole en analyse, ce serait celle de savoir si le travail analytique ne serait pas un obstacle à celui qui veut créer, à celui qui veut écrire, comme si aller faire une analyse empêchait la création. Au fond, vis-à-vis de la création, dans la psychanalyse, on rencontre souvent deux types de problématiques. On évoquait ça tout à l'heure, il y a ceux qui viennent parce qu'ils voudraient créer, mais ils n'y arrivent pas, tombent sous le coup d'une inhibition créatrice. Et puis, il y a ceux qui sont des créateurs et qui, par ailleurs, leur création ne suffit pas à résoudre leurs problèmes existentiels et qui, par ailleurs, voudraient faire une analyse. Et eux, ils ont la crainte que s'ils engagent une analyse, ils vont perdre leur pouvoir de création. Et dans l'expérience, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, alors, le premier point, Lacan l'a formulé lui-même. Il dit qu'il n'encouragerait personne à faire une analyse pour acquérir un pouvoir de création. Et que, en particulier, beaucoup viennent pour écrire, voudraient écrire, n'arrivent pas à écrire. Et que ça ne rend en général pas. Par contre, je crois aussi que l'inverse, celui qui a une disposition créatrice, c'est mystérieux les dispositions créatrices, hein, on n'a pas la clé de ça. C'est pour ça qu'on parlait des muses, du génie, ceux qui ont cette disposition, l'analyse n'y touche pas, au sens de la supprimer, au sens de le diminuer. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. L'inconscient est le discours de l'autre, est ma formule. Il est structuré comme un langage, ce qui est pléonasme, nécessité pour me faire entendre, puisque langage est la structure. L'inconscient n'est pas pulsation obscure du prétendu instinct, ni cœur de l'être, mais seulement son habitat. Non seulement le langage est un milieu aussi réel que le monde dit extérieur, mais il faut être aussi crétinisé qu'on l'est par les imaginations où se sont constituées jusqu'ici la théorie de la connaissance et les prétendues méthodes concrètes de l'éducation pour éluder ce fait massif. Mais justement, il ne devient un fait qu'une fois supporté d'une condition scientifique, que l'homme croit, fait sa croissance, autant immergé dans un bain de langage que dans le milieu dit naturel. Ce bain de langage le détermine avant même qu'il soit né. Les chemins de la philosophie. France Culture, Adèle Van Rett. Lacan, ici en 1964, diffusé sur France Culture, déjà, figurez-vous, Colette Solaire, lorsqu'il affirme que le langage est un milieu aussi réel que le monde dit extérieur, jusqu'où faut-il le prendre au sérieux et jusqu'où va-t-il? Est-ce que cela signifie que nous n'avons accès au monde extérieur que par le langage? Et qu'au fond, pour le sujet, peu importe de postuler l'existence d'un monde indépendamment du langage, puisque nous n'y aurons jamais accès. Oui, c'est un point très important dont on n'a pas encore parlé, parce que on parle des parlants constitués. Mais ce que Lacan souligne ici, c'est que la parole vous enveloppe dès votre naissance. L'infance, ce qu'on appelle infance, c'est-à-dire celui qui ne parle pas encore, il est déjà, dès qu'il naît, dans un bain de langage, enveloppé par un discours. Donc, on n'apparaît pas seulement en un point géographique du globe quand on naît, on apparaît au sein d'un discours qui se parle au quotidien. Et c'est un fait extrêmement important, parce qu'on voit que la parole, avant d'être exercée, elle est imposée. Et c'est une chose que l'on entend beaucoup dans l'analyse, mais même hors de l'analyse, quand quelqu'un vous parle de lui-même d'une façon un peu intime. Ma mère disait que, mon père disait que, il disait que, on dit que. C'est-à-dire que le petit, il arrive au monde, il est déjà prédiqué. Et donc, ce sont des paroles imposées et qui laissent des marques indélébiles. Et évidemment, chaque sujet a ensuite une marge d'option, de choix. C'est-à-dire que il y a des sujets qui peuvent, au fond, recevoir, consentir au verdict de l'autre sur eux-mêmes, aux demandes que l'autre leur a fait, leur indiquant ce qu'ils devaient devenir. Tout enfant a reçu des prescriptions pour le futur. Je crois que tout le monde a fait cette expérience. Donc le sujet peut soit consentir, entrer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on obtient, même au-delà de la noblesse de naissance, on obtient des dynasties familiales qui n'ont rien à voir avec le droit des nobles, hein, parce qu'il y a des transmissions, il y a dans les familles des sujets qui entrent dans le sillon qui était tracé, ou alors le sujet peut s'inscrire en faux, se révolter, protester, essayer de trouver sa voix, une voix qui lui soit propre, mais dans aucun cas, le sujet peut ne pas tenir compte de cette marque originelle qui fait que, effectivement, la parole est imposée. Alors, les sujets psychotiques qui ont des hallucinations, ils savent que la parole leur est imposée. Nous, on l'oublie quand on n'est pas halluciné. On oublie que la parole nous a été imposée. Et il y a cette expression formidable de la langue. Je dis toujours, la langue, c'est tout. Vous écrivez C. C-S-A-I-T. Ah oui, pardon. La langue, c'est tout. Quand on dit prendre la parole, voilà, c'est pas la même chose que la parole que l'on a reçue et qui a d'abord été imposée. C'est-à-dire que la prise de parole peut être une tentative de libération de la parole qui nous est imposée. Ça peut l'être, mais ça peut être simplement une répercussion de la parole d'origine. Parce qu'il y a les sujets qui consentent à ce qu'ils ont reçu, ça peut être simplement une répercussion, un développement. Mais effectivement, il y a un acte. La parole, c'est un acte. La parole, c'est un acte qui constitue le sujet. Et c'est peut-être là où on peut distinguer la parole du langage, car si l'inconscient est structuré comme un langage, il ne faut pas oublier que le langage nous préexiste. C'est ce que vous dites avec la parole qui s'impose. Oui, oui. Nous naissons dans un univers qui est déjà composé de langage, et le drame de ce langage, c'est qu'il appartient à tous, mais c'est le seul outil dont nous disposons pour exprimer ce que nous sommes seuls à penser, notre propre singularité. Prendre la parole, n'est-ce pas aussi la tentative de faire sien un langage qui appartient à tous ? Oui et non. Oui et non. Le langage, il a la même structure pour tous. Nous sommes nés dans une langue, chacun naît dans une langue. On peut en apprendre d'autres, mais c'est une autre question. On est dans une langue, on est donc dans un langage déjà parfaitement structurée et qu'on partage avec ceux qui parlent la même langue. Mais au sein de ce langage commun, de la langue commune, dans chaque famille, au fond, enfin, famille, il ne faut pas que je dise famille, parce qu'au fond, c'est dans chaque cellule où naît un enfant. On sait bien que de plus en plus, ce n'est pas forcément dans une famille classique. Mais dans chaque cellule où naît un enfant et où il y a quelqu'un qui lui parle, s'il n'y a personne qui parle, ça c'est autre chose, eh bien, ce quelqu'un ne parle pas tout le discours de son époque. C'est une coupe. C'est le discours de tel parent, mère, père, substitut, etc. Et qui laisse des marques langagières, signifiantes, qui sont spécifiques, propres à ce sujet-là. Donc l'inconscient n'est pas collectif. Il est structuré comme un langage. Le langage, on peut se dire que c'est collectif et que ça se partage, mais l'inconscient n'est pas collectif. Les marques, les signifiants propres à un inconscient sont toujours propres à un sujet donné. Sinon, ben, on saurait d'avance, on n'aurait pas besoin de faire une analyse. Non, mais précisément, la prise de parole, en quoi consiste une analyse, serait peut-être la tentative d'essayer d'exprimer la façon qu'a notre inconscient d'être structuré de manière singulière, à travers un langage qui apparaît. Oui, dans une analyse, on tâche non seulement de prendre la mesure de son inconscient, mais effectivement, on en perçoit du même coup la singularité, hein, l'unicité. Et alors, pourquoi Lacan, dans un second temps, après avoir distingué, et peut-être faut-il les définir, hein, la parole vide de la parole pleine, en vient-il à qualifier, à définir la parole d'une forme de parasite ? Ben, le parasite, c'est la parole imposée. Ah, c'est la parole imposée, tout simplement. Ben, oui. Le parasite, c'est quelque chose qui vous colle, qui grouille sur vous. Et au fond, il met l'accent à ce moment-là, en disant parasite, il met l'accent sur la dimension que la parole, c'est pas seulement je prends la parole comme un grand ou comme une grande et je vais dire ce qui me chante de dire. C'est que la parole vous a constitué. Et celle qui vous a constitué à l'origine, elle était imposée. Et parasite, ça veut dire, je crois, c'est comme ça que je lis ça, qu'il y a des marques de cette parole qui ne s'effacent pas, qui demeurent à travers une existence. Donc c'est ça que veut dire parasite. Et au fond, effectivement, au début, il a insisté sur la parole pleine. La parole pleine qui est une parole de pacte entre deux interlocuteurs, et qui est une parole qui est constituante du sujet. La plupart connaissent sans doute l'exemple qu'il prend de cette parole de pacte. Il en donne deux exemples. « Tu es ma femme » ou « Tu es mon maître », le disciple qui parle au maître, ou « Tu es ma femme ». C'est symétrique ? Non, c'est pas symétrique, pas du tout. Mais restons, comme les maîtres maintenant en ont pris un coup, restons... Il semblait le regretter. Pas du tout. Restons sur « Tu es ma femme ». En disant « Tu es ma femme » à un partenaire de l'autre sexe, on lui confère un statut spécial. Et celui qui parle s'engage et se constitue lui-même comme l'homme du conjugal. Et donc, c'est une parole performative. Ce n'est pas une parole descriptive de la réalité. C'est une parole performative. Alors, pourquoi Lacan a tellement donné de valeur à la parole au départ? C'est parce que, arrivant dans la psychanalyse, après tout, presque 50 ans après Freud, et assistant à, disons, une baisse manifeste des résultats de la psychanalyse et à des déviations de sa théorie, selon lui, par rapport à Freud, il a eu l'idée de prendre l'instrument de la psychanalyse. On ne fait que parler dans une psychanalyse, c'est l'instrument. Donc la parole et le langage sont les instruments. Il a eu l'idée de mettre à l'étude l'instrument. Et c'est vrai que finalement, tout ce que la parole peut, concernant un sujet et son corps, une psychanalyse peut le produire et l'atteindre. Mais ce que la parole ne peut pas, et le langage ne peut pas, jamais une psychanalyse ne le pourra. On est dans le cadre des pouvoirs et des limites de pouvoir de l'instrument langagier. La psychanalyse ne peut pas l'impossible. Non, c'est ce que Lacan a dit au début de l'émission. Il le formule comme ça. On ne peut pas l'impossible. On ne peut pas l'impossible. Dernier point, il nous reste quelques minutes. Si on sort du cabinet de l'analyste ou si on se lève du divan un instant pour rejoindre un espace public, un espace social, disons, où l'on identifie la parole à une forme, si ce n'est de guérison, du moins de libération. On en a eu un exemple il y a très peu de temps, le voici. Il ne s'agit pas de lynchage en fait. Mais si on regarde les choses, quand les filles qui portent plainte ou qui dénoncent des faits sont moins connues, on dit « Ah, elle voulait du travail !» Ou « Enfin, comme je vous l'ai dit, elle l'a bien cherché, elle monte pour se faire mousser, etc. » On dénigre leurs paroles. Quelle violence ! Je veux dire, moi, là, aujourd'hui, je sais ce que c'est que de venir. Moi, j'ai rien à gagner, là, ce soir, en fait. Si ce n'est le fait de dire que je crois dans les humains. Je sais pas comment dire, c'est aussi con que ça. Je crois dans l'humanité. Je crois dans le réveil possible. Et c'est pour ça que je parle. Je parle pas parce que j'ai un intérêt de carrière derrière. Ou parce que, je sais pas. Je parle juste par humanisme, en fait. Et donc, c'est pour dire que la parole des victimes, quand elles sont encore des victimes, est considéré méprisé. Et c'est pour ça que moi, je parle. Et je suis, quelque part, désolée pour Christophe Roudia, que ça lui tombe dessus. Mais genre, si moi, là, je me dis, je peux abriter mes sœurs, en fait, qui sont tellement plus précaires. Donc voilà pourquoi je prends la parole et pourquoi il était nécessaire que je sois plus connue que, finalement, mon agresseur, quoi. Le 4 novembre dernier, l'actrice Adèle Haenel témoigne publiquement contre le réalisateur Christophe Roudia, qu'elle accuse de harcèlement et d'attouchement sexuel lorsqu'elle avait entre 12 et 15 ans. L'extrait qu'on vient d'entendre, donc, s'est diffusé sur Mediapart, formulait, ce qu'elle-même nomme d'ailleurs, une forme de libération de la parole. Dans quel cadre est-ce qu'on peut ressaisir ce type de parole-là, alors qui est vraiment bien précise? Là, on ne parle pas de parole de quelqu'un qui se serait allongé pour essayer d'interpréter le sens de ses propos, pour être saisi dans une forme de mutation. C'est ce que vous appeliez après, juste avant, vous parliez de Lacan qui parlait de la femme et le maître. Ici, c'est une sorte de mutation de ce qu'il appelait les signifiants maîtres, n'est-ce pas? Il y a un rapport au langage qui a complètement changé. Oui, c'est sûr. Mais vous voyez, c'est un témoignage touchant, mais on voit très bien qu'elle elle parle pas toute seule. Elle s'adresse à l'époque, elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse pas à XY. Mais elle parle quand même à l'époque et pour quelque chose. Elle voudrait que les choses changent. Mais surtout, elle dit une chose qui est l'occasion d'illustrer tout à fait. Elle évoque comment les victimes qui ne reçoivent pas de réponse ou de l'ironie, ou quelle violence c'est. On n'a pas parlé de la violence de la parole, mais on n'a pas eu l'occasion, on ne peut pas tout dire à la fois. Non, mais allez-y, il reste 30 secondes. Et là, on voit que ce que Lacan a appelé le tout-pouvoir de la réponse. Le tout-pouvoir de la réponse, c'est-à-dire, même les Gilets jaunes se sont aperçus du tout-pouvoir de la réponse. Ils demandent à ce qu'on les entende. Le tout-pouvoir de la réponse, c'est-à-dire que dans une parole qui demande quelque chose, des choses, ça peut être très divers, mais en général, il y a quand même une demande de se faire entendre, d'être entendu dans ce qu'on a à dire. La réponse ou la non-réponse ou le refus d'entendre, c'est une très grande violence. Et c'est une violence, évidemment, c'est pas la violence des coups. C'est pas la violence brute, c'est une violence inhérente à la parole. Comme dit Lacan, l'auditeur a le pouvoir de vous annuler en tant que parlant. Comme à la fin d'une bonne séance, on va s'arrêter sur cette phrase. L'auditeur qui a le pouvoir de nous annuler, j'espère que c'est pas complètement vrai. Et on se quitte comme vous chaque annuler jour. Comme dans votre parole du moment. C'est mon métier. Alors moi, si personne. On m'annule. On va se quitter comme chaque jour de cette semaine sur la parole avec une reprise de la chanson d'Alida, Parole, Parole, ici, par Ibrahim Malouf, M et Monica Bellucci. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Toi d'hier et de demain, bien trop beau. T'es toujours ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme les vents qui fait chanter les violons et emporte loin les parfums des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Retour sur la fonction de la parole, c'est le titre d'un de vos ouvrages, Colette Solaire, qu'on peut lire. On aurait tant de choses à se dire encore. On voulait parler de Philippe Roth, on voulait parler de Lévi-Strauss, on voulait parler de Socrate. Bah, je vous propose qu'on fasse une autre émission un peu plus tard. On aura beaucoup de choses à se dire. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui à Lille, en tout cas pour cette émission. En écoutant cette chanson, eh bien, Géraldine Mosna-Savoie est entrée en studio. Elle est à mes côtés pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Alors comme cette édition du festival Cité Philo a pour thème « Dire et faire », eh bien, cette semaine, votre intérêt s'est porté vers les prises de parole de femmes philosophes. Et oui, alors que la parole des femmes se libère dans l'espace public, on peut espérer qu'elle se libère aussi dans l'espace philosophique. Je voudrais dire pour ma part que dans mon parcours scolaire et universitaire, je n'ai jamais travaillé sur une seule femme philosophe, pas même les plus connues comme Simone de Beauvoir ou Hannah Arendt. Personne, rien. Pourquoi ? Question de programme, question de corpus, choix du professeur. Il y a toujours cet argument qui consiste à dire qu'on ne va pas évoquer un texte écrit par une philosophe seulement parce qu'il a été écrit par une femme. C'est, vous le savez, l'éternel débat de la discrimination positive, du quota, que l'on retrouve d'ailleurs dans les palmarès culturels, les festivals de cinéma ou la politique. Il y a aussi cet argument auquel nous sommes confrontés ici, par exemple sur une émission comme Les Chemins de la Philosophie, celui des invités EES qui ne se sentent pas légitimes, ou moins en tout cas qu'un autre collègue, pour venir parler d'un sujet qu'elles connaissent cependant. Pourtant, à ces arguments, une réponse est facile. Les philosophes médiocres, eux, n'ont aucun problème, ni de légitimité, ni de présence dans l'espace scolaire ou médiatique. Autrement dit, ils n'ont aucun problème à prendre la parole. Et vous avez une question à formuler, Géraldine, j'entends. Alors, c'est une question toute simple. Comment prendre la parole ? Alors, ça a l'air un peu bête, dit comme ça, trop simple ou trop large. Et pourtant, la prise de parole, ce n'est pas seulement la donner ou bien vouloir l'accorder à quelqu'un. Ce n'est pas seulement faire entendre sa voix ou écouter toutes les voix. Ce n'est donc pas qu'une question de parole, c'est aussi une question de prise. C'est le fait de s'emparer, de se saisir. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre la parole ? Qui la prend et à quel titre ? Eh bien, pour y répondre, j'aimerais vous évoquer la philosophe écrivaine Iris Murdoch. Her name was Iris Murdoch. You love words, don't you? One doesn't have words, how does one think? She challenged the boundaries of what was safe. Perhaps it's time we made love. Yes. But only one would love her all her life. There is only one freedom of any importance whatsoever, that of the mind. Alors j'aurais préféré vous faire écouter la vraie voix d'Iris Murdoch, pas la bande-annonce d'un film qui lui est consacré, mais figurez-vous que la principale archive qu'on trouve d'elle en ligne est une interview de 1977 où toutes ses réponses ne font pas plus d'une vingtaine de secondes, sans cesse interrompues par le journaliste qui l'interviewe. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Iris Murdoch, née en 1919 et morte en 1999, est d'abord connue pour ses romans qui déploient toute une littérature de l'absurde. Elle a pourtant été l'élève de Wittgenstein et la première commentatrice anglo-saxonne de Sartre avec son livre notamment Sartre, romantique rationaliste. Et elle a aussi développé toute une éthique inspirée par les antiques Aristote et Platon, une éthique portée vers l'autre et pas enfermée dans la conscience, dans l'ego de soi seul, comme elle a pu le reprocher à Sartre. Et qu'est-ce qu'elle vous a appris du coup sur cette question de la prise de parole ? Eh bien longtemps, Iris Murdoch a été pour moi un nom un peu énigmatique. Je croyais même que c'était le nom d'un personnage de roman policier. Quand j'ai découvert qu'elle était philosophe, les bras m'en sont tombés. Comment avait-elle pu m'échapper ? Il m'est alors apparu ce fait. La prise de parole des femmes philosophes est souvent masquée par leur présentation, par la manière dont on les présente et dont on les rend présentes. Quelle ironie, même en les rendant visibles, on obscurcit leur personne, leur nom, leurs œuvres. Iris Murdoch est ainsi présentée comme romancière ou commentatrice. Angela Davis, j'en ai parlé lundi, comme militante. Germaine de Staël comme femme de lettres. Comme si être philosophe était toujours secondaire quand on présentait pourtant des philosophes. Pourquoi ? Ce n'est pas qu'une affaire de psychologie, de confiance en soi ou de politique, d'égalité des sexes. Je pense que c'est une affaire philosophique. La présentation permet à un sujet de se constituer comme tel, capable de prendre la parole en son nom, comme auteur responsable, légitime, pensant d'une œuvre. Reste alors cette autre question. Comment se présenter en son nom propre, et pas comme femme ou homme d'ailleurs, pour être lu, écouté, enseigné ou critiqué comme n'importe quel philosophe ? Merci beaucoup Géraldine. Colette Solaire, voulez-vous réagir ? Eh oui, bah, la prise de parole a ses lois dans une assemblée. En général, la prise de parole a ses règles. On sait que c'est d'abord généralement un homme qui lève la main, telle profession, telle. Donc ce n'est pas totalement aléatoire, indépendamment de ce qui est déterminé par la subjectivité propre à chacun. Et c'est sûr que prendre la parole, c'est d'autant plus facile qu'on vous l'a donnée d'abord. Et on la donne, en général, d'abord aux garçons. Et donc, ils la prennent d'autant plus facilement. Même s'ils n'ont rien à dire, bien entendu. Ça, prendre la parole n'a rien à voir avec « est-ce qu'on a quelque chose à dire ?» Merci beaucoup, Colette Seller. Votre chronique, Géraldine, est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Géraldine Mosna-Savoie, ici présente à Lille. À Paris, Jules Barbier, Manon Delasselle, Isis Jourda, Anaïs Isbert. À Lille, avec nous, Thomas Beau qui réalise cette émission, accompagné de Frédéric Cairou et Stéphane Beaufis à la technique. Merci à Virginie Noël et Jean-Marc Clauss de Radio France. Merci, un grand merci à l'équipe de Cité Philo pour leur accueil toujours impeccable. Gilbert Glasman, Myriam Pleine-Maison, Stéphane Demort et Jean Fromentin. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre semaine sur le pouvoir de la parole enregistrée au festival Cité Philo à Lille. Nous serons en compagnie de Nathalie Frogneux et on se posera une question simple. Devient-on quelqu'un d'autre quand on ment ? Question simple, réponse ? Pas si simple. Et j'en profite pour lancer un appel. Vous connaissez peut-être l'émission que nous vous proposons le vendredi, Profession philosophe. Eh bien, nous allons décliner ce numéro en apprenti philosophe. On donnera la parole aux bacheliers qui ont découvert la philosophie cette année, aux futurs bacheliers, qui ont sans doute beaucoup de questions à nous poser. Eh bien, vous pouvez poser vos questions directement en nous appelant, en laissant un message sur le répondeur et on convoquera 3 profs de philo en studio pour répondre à ces questions. Le numéro, le voici, notez-le, 01 56 40 45 08. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.